watch, kitty watch, kitty watch. Kitty, kitty, kitty, kitty, watch, watch, watch, watch. Game, game, game, haba. Watch, watch, watch, watch, game, game, game, haba. J'ai consulté le docteur de mon quartier. En moins d'une heure, je l'avais tout contaminé. Kili, kili, kili, kili, watch, watch, watch, watch, game, game, game, haba. Le directeur de l'asile m'a enfermé. Le lendemain, il chantait à mes côtés. Watch, watch, watch, watch, game, game, game. Les infirmiers, pris de peur, vont relâcher. Voilà pourquoi vous aussi vous chanterez. Yeah! Kill, kill, kill, kill, watch, watch, watch, watch, game, game, game. Mes amis, n'écoutez pas cette air-là, car vous risquez de finir tout comme moi. What? Nostalgie 60. Disponible 7 jours sur 7. 24h sur 24. Nostalgie. I've got no reason. on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. A long, long time ago, on graduation day, you handed me your book. I signed this way, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. We dated through high school, and when the big day came, I wrote into your book next to my name, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Then I went far away, and you found someone new. I read your letter, dear, and I wrote back to you, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, good luck, may God bless you. Is that your little girl? She looks a lot like you. Someday some boy will write in her book two roses are red, my love, my love, but not as sweet as you. Nostalgie.

working all day, all day, all day. He's got people who've been working for 50 years. No one asks for more money, 'cause nobody cares, even though they're pretty low and their rent's in arrears. Matthew and Sam, Matthew and Sam, Matthew and Sam, Matthew and Sam. And they've been working all day, all day, all day. Nostalgie 60. Les 60s, comme si vous y étiez. Nostalgie. To

Nostalgie 60. 60. La radio de vos années préférées. Nostalgie. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet